Alors, le roi répondit en disant: messire Bertrand, ne vous récusez point de la sorte, car je n'ai frère ni neveu, comte ni baron, qui ne vous obéisse. Et si quelqu'un était dans des dispositions contraires, il me courroucerait tellement qu'il s'en repentirait. Accepte donc l'office de bon gré, je vous en prie. Messire Bertrand comprit bien que toutes les excuses qu'il pourrait invoquer et mettre en avant ne servaient de rien. Il se soumit donc finalement à la volonté du roi, mais ce fut avec peine, et bien malgré lui. Ainsi, messire Bertrand du Guesclin fut revêtu, au milieu d'une grande joie, de l'office de connétable de France, et, pour l'élever davantage, le roi le fit asseoir auprès de lui à sa table et lui témoigna toutes les marques d'affection imaginables. Il lui donna, ce même jour, avec la charge, plus de 400 000 francs de revenus en héritage, transmissibles à sa descendance.